Fragilisé par la démocratisation du web au milieu des années 2000, supplanté dans son rôle d'informateur par l'instantanéité des réseaux sociaux, dépassé par un temps toujours plus compressé et enfin fissuré par la prétendue gratuité de l'accès à l'actualité, la presse écrite a connu des jours meilleurs. Le discours sur sa mort programmée occupe d'ailleurs le paysage ambiant depuis quelques années maintenant. Même si l'information n'est pas le leitmotiv de la presse spécialisée, cette dernière a également subi de plein fouet le désamour ambiant pour l'écrit, caractéristique de ces deux premières décennies du 21e siècle. Aujourd'hui, les stratégies médiatiques de l'Internet ont été absorbées et maîtrisées par les journaux et magazines qui allient systématiquement tirage papier et contenu web. Qu'en est-il donc des retombées économiques du papier, considérant l'investissement qu'il nécessite et comment s'organise aujourd'hui la presse spécialisée pour perdurer? Quel avenir, en somme, pour la presse musicale à sensibilité électronique? C'est ces questionnements que nous aborderons aujourd'hui en compagnie de nos deux invités. Patrice Bardot, chroniqueur chez Trax dès sa création à la fin des années 90, il intègre l'équipe de rédaction en 2000, avant d'en devenir rédacteur en chef en 2004. En 2007, et suite au rachat du magazine par Technicart, il lance avec une partie de la rédaction de Trax le magazine Tsugi, dont il gère aujourd'hui encore la rédaction. Et Étienne Menu, journaliste et critique musical pour les magazines comme Vice ou GQ, et fondateur de la revue Audimat en 2012, et de son émission de télé sur Dailymotion, Musique Info Service. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et je serai accompagné tout au long de cette émission par Ben et Alexandre derrière les consoles à la réalisation, et de Léo qui va nous faire un petit point sur l'histoire de la presse musicale en France afin d'y voir plus clair avant d'entamer le débat. Il y a près de 300 ans, en 1756, naissait le premier journal de musique français. Intitulé « Sentiments d'un harmoniphile », cet écrit périodique répondait directement à une demande bien réelle, émanant de la cour et de la ville. On parlait partout de musique, il fallait désormais poser noir sur blanc de l'information, des faits, des ressentis et des avis souvent bien tranchés. Dès 1840, la presse musicale devient spécialisée et cumule les titres dans tout le pays, car le piano est devenu un instrument accessible à tous et la musique avec lui. Quels ont été les premiers médias sur la musique électronique ? Alors plus d'un siècle plus tard, le paysage médiatique musical est celui que l'on connaît le mieux. Les Inrecuptibles, Rock'n'Folk, Rolling Stones, Diapason, les plus grands titres se spécialisent au fil des genres et des années. Et dans les années 90, alors qu'il n'existait pas encore de réelles informations sur les musiques électroniques alors en plein essor, les premiers titres de presse apparaissent en Angleterre, puis en France. DJ Mag en 91, Mix Mag dès 83, sous la forme d'une newsletter dédiée aux DJ, puis Trax en 97 et Tsugi en 2007, ces deux derniers aujourd'hui références françaises dans le monde des musiques électroniques. Entre 2008 et 2010, le webzine et l'information spécialisée sur Internet se démocratisent pour devenir un format plébiscité et même viable. Et alors pourquoi ce réaxage sur la toile du web ? Le phénomène inévitable de notre siècle, c'est le désintérêt pour le papier et le format physique qui a causé la perte de nombreux titres de presse écrite. Cette dernière doit toujours prouver qu'elle a le droit d'exister et surtout montrer qu'elle possède toujours une valeur ajoutée contre la lecture plus rapide et éphémère d'Internet. Pourtant, et probablement parce que les musiques dont on parle sont électroniques et parce que le streaming est roi, la découverte, l'information et la critique s'utilisent et se découvrent en majorité sur des sites Internet aujourd'hui perçus comme des médias à part entière. Et on vous fait découvrir en avant-première, avant de commencer l'émission, un extrait du premier disque du nouveau label français Limb. Le Various, intitulé Le bord du disque, contient 4 morceaux signés Maisonneuve, S36, Puffin et Name, dont on écoute le titre Last Variation tout de suite sur Mixtape. A mix of things. I mean, such a mix. You had realizations about family, about relationships, about music, about time, about my mortality. And for the first time, I had a serious health problem pop up as a result of so much work. And it was one of those things that was like, oh shit, this is what happens when people can't get up. Like, debilitating shit. Change your shit. Change your life. And make you realize, like, okay, I was doing this whole thing by getting so it shakes your core. And then a whole lot of other things start to shake your core, and you start to realize that, you know, music is wonderful, and it's a beautiful tool, and it's a beautiful vehicle, and it's a beautiful language. We'll be right back. C'était l'exclu de la semaine sur Make It Deep, Name avec Last Variation, sorti sur le label Limb. Et donc on va aborder cette première partie consacrée un peu au fonctionnement économique de la presse à sensibilité électronique, comme le faisait remarquer Patrice pendant le morceau. Aujourd'hui, on va y aller directement. Aujourd'hui, quel est le modèle économique pour vous chez Tsugi? Le modèle économique s'articule autour de Tsugi, qui est un navire amiral, on va dire, qui est une vitrine de notre savoir-faire. Et à partir de là, on développe d'autres activités qui, elles, nous sont en grande partie rentables, qui payent nos salaires. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que dès le départ, on a lancé ce magazine il y a 10 ans, on était déjà assez âgés, on avait donc un souci de payer des salaires. On ne pouvait pas vivre comme ça d'amour et d'eau fraîche, même si c'est formidable. Et donc, on savait très bien que la presse papier était quand même, surtout spécialisée, était condamnée à terme et sans grande réalité économique. Donc, on a, dès le début, essayé de développer nos activités en faisant des soirées, avec un site web, en travaillant avec des marques très rapidement, que ce soit, on peut les citer, je ne sais pas, peut-être quelques pubs. Nous, on n'a pas de sponsor, donc Ricard, c'est bon. Hein. Voilà, à Ricard, à Heineken, ou en étant co-gestionnaire d'une salle de concert à Paris aujourd'hui, donc le Trabendo. On travaille aussi pour Libération, on fait un cahier musique tous les samedis, on travaille avec Absolute, voilà. Heineken, on a une radio aussi qu'on a lancée, la Tsugi Radio, on fait des délocalisations dans des festivals. Donc tout ça, c'est des activités qui sont en lien avec notre cœur de métier, qui sont pas, je dirais, c'est pas, on n'a pas de problème déontologique à exercer ça. Voilà, on ne trahit pas ce qu'on défend. C'est toujours des projets qui sont cohérents, mais c'est des projets effectivement qui permettent de gagner un peu de sous. Parce qu'aujourd'hui, le papier. Ouais, on va y venir plus en. Voilà, donc c'est la, notre réalité économique, elle est essentiellement là. Elle est en multipliant les activités. Voilà. Alors, Étienne Menu, on le rappelle, donc fondateur de la revue Audimat, donc une revue hein, deux fois par an, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Ouais, deux fois par an. On avait commencé une fois par an les trois premiers numéros, et on est passé à donc semestriel à partir du numéro 4. Et en fait, c'est une revue qui, pour le coup, le modèle économique est, comment dire, il n'y en a pas vraiment, parce qu'en fait, on est supervisé et financé par le Festival des siestes électroniques à Toulouse et maintenant à Paris, au Quai Branly, au mois de juillet-août. Et en fait, on connaissait bien, en fait, cette revue donc, a été fondée par Guillaume Huguet et moi-même. On avait une idée de revue et puis on l'avait proposée à des éditeurs qui s'étaient finalement pas montrés intéressés. Et Samuel Aubert, qui était un ami à nous, donc le directeur des siestes électroniques, qui est un très bon gestionnaire de festival, très économe, nous avait dit « moi j'ai un peu de budget pour vous payer un numéro, on essaye et puis on voit ce que ça donne ». Donc on a sorti ce numéro qui était un numéro 0 d'ailleurs, pas un numéro 1, et ça avait, économiquement c'était viable. On n'a pas du tout d'exigence de rentabilité. Bon, on est passé de, je crois que le premier numéro était à 300 exemplaires, puis 500, puis 800, et maintenant on est à 1200 je crois. On les écoule hein, parce qu'on a des abonnés et que... En fait, on a un peu les seuls... on fait une revue semestrielle qui se présente comme un livre pour les gens qui ne la connaissent pas, avec 6 longs articles traduits en par... Enfin, on fait des traductions de textes anglo-saxons et on fait appel à des auteurs français. Mais en fait, on n'a aucune exigence, on n'a pas de pub. C'est entièrement dépendant du système économique des siestes électroniques qui, lui, fonctionne bien, j'ai l'impression. D'accord. Au niveau du nombre de tirages... Patrice Bardot. Combien est-ce que vous vendez d'exemplaires sur chacun des tirages, enfin sur chacun des exemplaires? Ça commence par des grosses questions. Ouais, on y va direct et après on abordera les... On vend Qu'est-ce que tu dis aux annonceurs? Voilà, c'est ça. Alors je crois que le chiffre ça doit être 22 470. C'est bien. C'est pas mal. Voilà, c'est le chiffre annonceur qui doit être sur notre, comment dit, notre média kit. Voilà. Donc la réalité est peut-être un peu en dessous de ça. Hein. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un peu une sorte de, comment dirais-je. C'est une question qui est toujours très compliquée parce que en fait, bon, il y a des titres qui sont allogidés, c'est-à-dire qui souscrivent à un organisme qui prend les relevés de vente, etc. Ça coûte très cher quand on est un petit éditeur et surtout, ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir un tirage qui est en dessous, enfin des ventes qui sont en dessous de 10 000 exemplaires, on va dire. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a une sorte de gros enfumage sur les, soyons clairs, sur les chiffres de vente de la part des petits éditeurs, parce que personne ne donne ces vrais chiffres, donc je ne vais pas communiquer, même si j'aime beaucoup Make It Deep, la réalité économique de Tsugi. Ce que je dirais simplement, c'est que c'est en dessous de 10 000 exemplaires, naturellement. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que ce type de presse... En fait, ce chiffre-là n'est peut-être pas très très important dans tous les sens du terme, mais parce qu'il compte, c'est un peu la qualité du lecteur qu'on peut avoir. Bien sûr. Voilà. Et après, aujourd'hui, Tsugi, c'est presque, comme on dit, du B2B. C'est-à-dire que quelqu'un, je sais pas, chez Quotidien, va lire Tsugi, va dire « Ah bah tiens, ça parle de thérapie taxi, on va les programmer sur le plateau. » Voilà. Après, il y a toujours des passionnés. On a quand même une fanbase de gens qui sont passionnés, qui nous ont suivis, pour certains depuis Trax, donc ce qui veut dire que c'est quand même un public âgé. On a globalement aujourd'hui qui lit la presse musicale de ce type là, c'est des gens qui ont largement plus de 30 ans. Ouais. C'est aussi des CSP+, parce qu'ils peuvent investir 7 euros et souvent quelqu'un qui a moins de 25 ans préfère investir 30 euros dans le téléphone plutôt que 7 euros dans un magazine, ce qui se comprend. Hein, c'est pas, Etienne Menu, juste pour avoir un titre comparatif, Audimat, vous savez à peu près quel est l'âge moyen du lecteur ? Non, on n'en a pas d'idée précise. Après, on voit que les gens qui viennent aux quelques événements qu'on fait, en fait, moi, je pensais que c'est effectivement, comme Patrice, je pensais que ça allait être essentiellement des trentenaires et plus. Et je suis étonné de voir qu'on a pas mal de vingtenaires, comme on dit. Je pense que c'est lié au fait qu'on publie pas mal d'articles, pas forcément strictement universitaires, mais en tout cas liés à des thématiques universitaires. Et aujourd'hui, dans les facs françaises, enfin, il y a des gens qui s'intéressent à la musique, des enseignants qui ensuite demandent à leurs étudiants de faire des mémoires sur la techno ou sur autre chose. Et donc on a, oui, enfin, je vois souvent des gens de 20, disons entre 20 et 28 ans qui sont à nos événements. Ça, c'est un phénomène que vous... Les événements, j'imagine que vous avez une population assez jeune, mais oui, sur la lecture du magazine, c'est... Nous, en fait, on récupère les jeunes sur le site web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui vont sur tsugi.fr, les jeunes, souvent, ne savent même pas qu'il y a un magazine papier qui existe. Donc il y a vraiment deux publics. Le public du papier, c'est donc un public qui a des moyens, qui s'intéresse à la musique, mais qui n'a pas le temps trop de diguer sur les choses et qui veut avoir un petit condensé de ce qu'il fait en actu musical branché. Enfin, voilà, on va se définir comme ça. On se définit un peu comme le magazine des nouvelles tendances musicales. Donc voilà, il a un condensé de la musique qu'il doit écouter. Donc il est content. Mais après, le public du web est différent. C'est vrai que le public du papier ne va pas forcément non plus sur notre site. Enfin, c'est deux publics différents, deux comportements. Et à titre de comparaison, je me demandais, quand Trax s'est fait racheter par Technicard, vous étiez à combien au niveau du tirage? Là, tu parlais de 10 000 exemplaires. Non, mais c'est pareil, ce qui est marrant, c'est même au pic de la musique électronique, de la French Touch et tout ça avec Trax, on avait des chiffres de vente qui n'étaient pas déments par rapport à on était le petit, on appartenait à un groupe de presse où il y avait Rock Sound, rap US, groove, Hard and Heavy et d'autres. Et nous, on vendait péniblement entre 8 et 10 000 exemplaires. D'accord. Alors que tu avais Roxanne qui était à 25 000 exemplaires, Raga qui était à 15 000 et tout ça. Donc, c'est, oui, les quantités de tirage n'ont pas forcément énormément évolué. Ça a baissé, mais ça n'a pas évolué. Mais surtout, c'est intéressant de voir que le public de la musique électronique n'a jamais été vraiment un public qui... Lecteur de presse, même sur le web. Donc c'est voilà un autre comportement, mais c'est aussi dû aux personnalités des artistes de la musique électronique, puisque la musique électronique c'est basé sur la musique sans visage. Donc va faire des interviews de gens qui n'ont pas de visage. Non mais ouais. En fait c'est marrant parce que effectivement si tu vas dans un club et que tu demandes aux gens, enfin si tu fais un sondage genre qui dans ce club qui est en train de kiffer tel DJ etc, ouais. Qui lit la presse, bien sûr. Il y en a ouais. 1 sur 10 à tout casser. Tout à fait, c'est passionnant. C'est... Mais même je vais aller même au-delà, je vais dire si tu demandes aux gens qui est le DJ qui joue, ouais. Tu vois, non, mais c'est pareil. Ça s'est amélioré avec ça. Ça s'est amélioré, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de personnalisation et de star system. Donc c'est vrai que tu mets quelqu'un en couve, ouais, là, soyons honnêtes, là on a sous les yeux Nils Fram. Bon, ouais, il fait pas partie vraiment de la couverture du Tsugi, hein, voilà. Tsugi pour bon, on voit ça. La tête, il n'est pas forcément très sexy. Est-ce qu'on a envie d'acheter pour Nils Fram pour... Bon, non, peut-être pas. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, ce qui fait que bon, bah, les DJ techno, en plus, souvent, bon, est-ce qu'ils ont vraiment un discours très développé, est-ce qu'ils aiment les interviews et tout ? Pas trop. Donc, y a quand même tout un... Voilà, tout un contexte précis de la presse électronique et de la musique électronique qui explique que voilà, que c'est pas des rock stars qu'on met en couve et de ce fait le public a moins envie de savoir. Le public il a envie de sortir, de vivre une expérience avec la musique électronique, mais pas forcément de lire des choses sur ceux qui la font. Le fonctionnement d'une revue comme Audimat ou d'un mag comme Tsugi reste quand même assez opaque. On se rend pas bien compte combien de personnes contribuent à la réalisation d'une revue comme Audimat ou d'un magazine comme Tsugi. Etienne Menu, peut-être, pour commencer Bah, en fait, Audimat, on est donc deux rédacteurs chefs, Guillaume Huguet et moi. Samuel Aubert, donc le directeur d'ICS Électronique, qui est notre directeur de publication, donne quand même son avis, nous dit oui, on pourrait parler de telle ou telle thématique. Mais bon, n'intervient pas non plus au même titre que nous. Et ensuite, Guillaume et moi, on décide de faire appel à des auteurs. L'idée, c'est de ne pas prendre que des journalistes, même plutôt de prendre moins de journalistes que d'autres gens. On a fait souvent travailler des gens qui sont qui n'ont jamais écrit sur la musique directement, en fait, des gens qui sont profs de lettres, qui vont être fans de tel guitariste de rock, de tel compositeur classique. On a aussi fait travailler des musiciens, en fait. On a fait travailler Agnès Guéraud, bon, qui fait de la Féline, en fait, qui fait ce projet de rock indépendant, en gros. Mais on est, en fait, notre idée, c'est de se dire, on a tel auteur ou tel thème dont on aimerait, qu'on aimerait approfondir, et on va voir ce qui se passe. Mais il y a pas, vu qu'on n'est pas du tout lié à l'actualité, c'est assez libre. Alors parfois, ça donne des choses qui peuvent être un peu détaché de ce qui intéresse les gens directement, mais c'est ce qui donne aussi notre caractère, enfin ce qui donne le caractère de la revue, en fait. D'accord. Patrice Bardot, vous avez un fonctionnement déjà comme ça en prenant des spécialistes ou alors vous fonctionnez uniquement sur votre équipe de journalistes? Non, heureusement. Enfin, c'est nécessaire d'avoir des apports extérieurs, c'est de l'oxygène et tout ça. Nous, on écrit beaucoup en interne, mais on fait beaucoup de choses à l'extérieur. Autrement, au niveau concret, au niveau des personnes qui écrivent, on est 12 personnes dans notre société. Dont trois journalistes qui sont sur Tsugi, mais qui travaillent aussi sur d'autres choses, sur Libération ou sur le Trabendo. Donc on n'est pas énormément, on est vraiment, on peut dire il y a deux personnes sur Tsugi, plus un stagiaire. D'accord, ok. Et on a beaucoup de pigistes réguliers ou pas, mais voilà, c'est très très open au niveau des piges. Je me posais la question pour avoir un ordre d'idée, le poids économique du web dans votre fonctionnement, c'est quoi à peu près? Le point économique, bah, c'est assez simple. Je vais dire, par exemple, comme ça, c'est basé sur la pub. Hein, donc nous, la pub, on peut faire en chiffre d'affaires de pub par mois entre 20 000 et 40 000 euros. Si on prend le web, il dégage environ entre 8 et 10 000 euros par mois. Donc voilà. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut avoir de la pub sur le mag, mais aussi des packages avec de la pub. De la pub du web. Ce qui est notre particularité, c'est qu'on a une régie publicitaire qui est intégrée. Sur le web, on ne travaille pas avec une régie extérieure, ce que font d'autres magazines. Trax, par exemple, ils ont une régie externe parce qu'on choisit. On pense que ça rapporte plus de vendre de la pub nous-mêmes que de la confier à une régie qui la vend au clic. Il faut faire plusieurs millions de clics pour arriver à avoir un chiffre d'affaires satisfaisant. D'accord. Donc nous, ce chiffre d'affaires-là, on s'en contente, on espère qu'il sera plus important à l'avenir. Mais voilà, après je veux dire, c'est un investissement aussi humain, un site web, il faut technique évidemment, et dont la rentabilité n'est pas toujours évidente. D'accord. Une dernière question. Notre site nous a coûté 4000 euros. Hein, okay. Voilà. Une dernière question avant de clôturer cette première partie, qui est très simple. Est-ce que tu estimes en l'occurrence, parce que ça concerne plus Tsugi, que vous pouvez rester indépendant malgré ce fonctionnement bancal ou un rachat inévitable? C'est une bonne question. non, c'est une bonne question parce que justement, voilà. Non, je pense qu'on va, on va évoluer vers une forme d'indépendance, mais en se rattachant à d'autres gens. Mais on va. Après, ce qu'il faut voir, c'est l'indépendance. Qui peut être intéressé par un gros groupe, mettons, par Tsugi? Bon, il y en a peu, quoi. Donc le rachat, on a eu déjà des offres de gros trucs. Bon, c'est tellement ridicule que voilà. En tout cas, peut-être un rattachement à un groupe existant. Mais un rattachement, c'est dans les tuyaux. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vais céder la parole à Léo qui va clôturer cette première partie avec le Disconner. A B C D. Alors Patrice et Étienne, vous allez ouvrir une page de notre Disconner. C'est un exercice lexical mais surtout musical. Vous êtes donc chacun un dictionnaire spécialisé. À vous de définir les mots suivants. Patrice, le mot est fanzine. Fanzine, c'est n'importe quel passionné de musique qui a envie d'écrire, qui lance son petit magazine avec une photocopieuse. Très bien. Étienne, le mot est critique musicale. Il y a deux mots, mais... Le mot critique musicale, en fait, dans le contexte français, c'est un truc assez particulier parce qu'il y a autant critique cinéma, critique littéraire, critique d'art. En France, c'est des choses qui sont assez courantes et assez respectées. Critique musicale, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, de moins. Les gens ont souvent tendance à dire oui, mais pourquoi vous parlez de musique? Laissez-nous écouter, etc. Il n'y a pas besoin d'explication. Donc en France, c'est un positionnement assez compliqué. Après, en Angleterre, aux États-Unis, c'est quelque chose. Enfin, nous, on a plusieurs fois publié des textes d'un mec qui s'appelle Simon Reynolds, notamment, qui est pour moi un modèle, qui fait vraiment de la critique musicale avec des éléments d'histoire, de sociologie, et qui est très développé dans le monde anglo-saxon en tout cas. Oui, il y a vraiment pas une starification, mais enfin vraiment un respect de la critique musicale dans les pays anglo-saxons depuis toujours, qui n'existe pas du tout en France. Et si je puis me permettre, en fait, en France, je ne veux pas attaquer rock et folk, Philippe Manœuvre, etc., mais il y a un truc de critique musicale qui s'est vachement orienté sur la vie des rockers, le mode, la vie rock'n'roll, qui a finalement pas forcément beaucoup avantagé l'écoute de la musique, en fait, qui reste un peu autour de genre « Ah, la vie incroyable des mecs de Motley Crue », etc., ce qui est effectivement intéressant, mais hyper impressionnant, mais souvent, la musique passe un peu à la trappe dans ces histoires-là. Merci beaucoup pour ces éclairages et nous ajoutons donc vos définitions à notre Disconner. Petite pause en musique avant de passer à la seconde partie de cette émission. C'est notre sortie du jour, elle est signée Harry Wolfman avec un nouvel EP intitulé Nemoto. Le disque vient de sortir sur le label Outplay et on écoute le morceau Itch tout de suite sur Make It Deep. We'll be right back. C'était la sortie de la semaine sur Make It Deep, Harry Wolfman avec Itch, et c'est sorti sur Outplay. Alors on va attaquer cette seconde partie qui va un peu se poser des questions plus éditoriales. Selon vous, quel bienfait apporte encore la presse spécialisée aux musiques électroniques? Et inversement, la scène des musiques électroniques a-t-elle encore besoin d'une presse forte pour sa bonne santé? Étienne. Étienne Menu. Je pense que oui. Enfin, pour répondre à la deuxième partie de ta question, oui, je pense que le public a besoin d'avoir quelques repères, pas forcément dans une optique de faire de longs reportages, etc., mais au moins de mettre un peu en ordre. Enfin, moi-même, par exemple, qui suis un peu moins qu'avant cette scène, j'ai besoin de lire. Je suis content de lire sur Fact Mag, par exemple, des choses qui vont un peu mettre en ordre, s'il y a un ordre à mettre, mais en tout cas de donner une lecture un peu cohérente de ce qui se passe. Bon, ne serait-ce qu'en termes géographiques, de dire tiens, il se passe des trucs à Lisbonne, il se passe des trucs. Parce que maintenant, surtout la scène étant globalisée, on a des choses qui viennent d'endroits dont on n'était pas du tout habitué il y a encore 10-15 ans. Donc oui, la presse spécialisée a un rôle à jouer. Après, est-ce que la presse spécialisée, elle, enfin pour reprendre la première partie des questions, se doit de couvrir ça avec énormément de précision? Je sais pas exactement, en fait. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de laisser effectivement les gens... La musique électronique est devenue un truc tellement tentaculaire aujourd'hui. Surtout les gens qui écoutent de la musique électronique n'écoutent plus seulement que de la musique électronique. Ils écoutent des sorties. Enfin, je sais pas, ils peuvent écouter le MGMT, ils peuvent écouter de la noise, ils peuvent écouter du rap. Donc il s'agit en fait plutôt que de dire « Alors, il y a tel label qui est hyper intéressant parce qu'il a sorti ci, ça et ça, ils se sont fait remixer par machin. » Ça, en fait, effectivement, c'est une syntaxe un peu années 90, années 2000 qu'il faut peut-être un peu mettre de côté, même s'il faut la garder. Mais je pense que le rôle aujourd'hui du journaliste de presse spécialisée, c'est plus de jouer d'avoir une fonction de guide, de guidage presque, pour dire en gros ce que t'écoutes, ça ressemble un peu à ça, ça a été influencé. Mais c'est moins orienté sur l'actualité que sur l'histoire et la généalogie, quoi. En fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Étienne. Patrice Bardot. Et effectivement, on a ce rôle un peu de filtre, de guide, de présenter. Des artistes qui sont peut-être intéressants dans l'underground, de dire bah, en fait, on avait fait un papier sur Giggling par exemple, il y a y a plusieurs années de ça. Bon, voilà. Donc le rôle, c'est un peu de présenter à un public plutôt généraliste, puisque notre public est plutôt généraliste et grand public, relativement grand public, donc de lui donner des clés pour aller vers des côtés, des musiques un peu pointues. Nous, on s'attache vraiment à ce côté aussi très didactique et on ne veut pas être trop hermétique dans notre langage, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que les gens qui ouvrent Sugi, ils comprennent ce qu'on dit, ce qui a toujours été... voilà, on ne veut pas jargonner. Ouais, donc voilà, après, voilà, avant il y avait un côté quand même réellement prescripteur, qui ce rôle-là aujourd'hui n'existe plus. La prescription, elle est ailleurs, elle est dans les pages Facebook des chineurs de house ou des chineurs de techno, elle est pas chez Tsugi. Voilà, il faut pas se tromper de rôle, quoi. Je pense que voilà, il faut rester dans ce qu'on sait faire. Et il y a ce besoin aussi de s'émanciper toujours plus de la news, de l'actualité, qui finalement n'est plus le... Alors oui et non. La presse, c'est plus vraiment son rôle. Comme j'ai dit sur le papier, on a des on a un magazine qui est totalement anachronique. On a des chroniques de disques, on a un CD alors que les gens n'ont même plus de trucs pour écouter des CD. Donc c'est quand même bizarre. Mais parce qu'on a des vieux lecteurs. Nos vieux lecteurs, ils sont attachés à cet objet, ce CD, ces chroniques. Donc voilà, si on supprime le CD, si on supprime les chroniques, tout ça, c'est des questionnements qu'on a, qu'on se pose à la limite tous les jours. Mais par les retours qu'on peut avoir, c'est pas évident de franchir ce pas. Je dis pas qu'on va pas le franchir un jour, mais même les artistes sont attachés à faire un DJ mix avec un CD. Donc c'est quand même étonnant. Mais voilà, on est dans une ambiance très très très bizarre avec cet objet peut-être un peu vieillot là qui est là. Mais sur lequel on a un peu de mal à le faire évoluer, faire des longs articles par exemple aussi. Alors on en fait, mais bon, on reste sur un format très classique parce que voilà, on n'arrive pas encore à maîtriser très très bien de savoir ce que toutes ces mutations. Si on devait nous-mêmes muter totalement, est-ce que finalement on perdrait pas beaucoup pour gagner pas grand-chose? Est-ce que selon vous deux, Internet et les réseaux sociaux, par la dictature du reach dont on parlait notamment off tout à l'heure, encouragent-ils une certaine uniformisation du journalisme spécialisé aujourd'hui? Je saurais pas te répondre là. Honnêtement, moi j'ai l'impression que la presse spécialisée, qu'elle soit écrite ou web, a encore, même si elle touche peu de gens, a encore un écho. Et je vois parmi les artistes que je connais, etc., qui vont dire: ah putain, ils ont pas parlé de moi sur Fact. Mais en revanche, il y a un article, mais sur ce site qui par ailleurs parle de trucs qui m'intéressent pas, etc. C'est quand même encore assez prescripteur. Ouais. Et de fait, un truc qui va être dans une sélection de fin d'année ou du mois sur un site important va quand même générer des écoutes. Ce qui est paradoxal, c'est mais est-ce que l'importance n'est pas liée finalement à l'aura, enfin au nombre de personnes qu'il peut toucher, plus que par son identité d'une certaine manière? On est content d'avoir Resident Advisor parce que Resident Advisor, ça touche énormément de monde, que c'est une institution, bien sûr, mais on n'est pas forcément content parce qu'on aime la ligne de Resident Advisor ou parce qu'on aime telle ligne. Bien sûr, c'est ça qui est compliqué. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que la musique électronique, c'est entre guillemets pas mainstreamisé, ce serait un peu dur de dire ça, mais on peut le dire. En gros, moi qui ai découvert la musique électronique milieu des années 90 à peu près, c'était cette musique, c'était une sombre forêt, quoi. On savait pas ce qui s'y passait, etc. Il y avait vraiment quand on découvrait un nouveau label, on était là, un nouvel être vivant, quoi. C'était aujourd'hui tout est accessible, tout est aussi mélangé. Enfin, on voit des artistes underground entre guillemets très vite. Enfin, je sais pas, un mec comme Jamie XX par exemple, qui aujourd'hui a bossé avec Gilles Scott Heron, Bobby Womack, etc. Ça se passe de plus en plus vite, donc en fait le côté Je pense que ça crée nécessairement de la diversité, en fait. Ouais, je pense que la musique électronique n'est plus écoutée comme cette espèce de forêt noire, et donc il y a forcément un peu moins de possibilité d'être prescripteur et d'être le guide qui dit c'est là que ça se passe. D'accord, ok. Patrice Bardot Non, mais je crois qu'il y a ce côté respectabilité pour un artiste d'être sur un papier, sur du papier, sur un média web aussi, comme l'a très bien dit Étienne. Je crois que oui, c'est important encore pour de sortir un peu de l'underground et du réseau social pur pour avoir ce gage de respectabilité, de se dire ah ben on s'intéresse à moi. Voilà, c'est encore important. Si je puis me permettre, là, ce week-end, Dominique Dalcan a eu la victoire de l'album électronique. Et c'est un artiste dont je connaissais pas forcément hyper bien le travail quand il était. Enfin, il faisait ce projet qui s'appelait Snooze, qui était son projet instrumental. Et par ailleurs, c'est un chanteur, disons, de pop, ouais, de pop française. Ouais. Et je trouve ça hyper bien, malgré. Enfin, moi, je trouve que les autres. Enfin, bref, que les victoires de l'Amérique donnent une image de la musique française qui est assez relou, quoi. Mais le fait que Dalcan, avec cette musique qui est à la fois électronique, à la fois influencée par des choses comme David Sylvian, Blue Nile, et par des choses plus récentes comme Frank Ocean, par exemple, qui est, je pense, une de ses grosses influences. Ouais, ou James Blake. Voilà, c'est pour ça que je veux pas dire que, en gros, c'est une musique underground qui est devenue mainstream et maintenant c'est chiant. C'est que ça prend des chemins hyper différents. Donc, en fait, pour vous, la dictature du rich, elle va pas à l'encontre de la diversité sur Internet, de ce qu'on peut lire concernant les musiques électroniques. Non, les gens ont la liberté de toute façon d'aller. Justement, il y a de plus en plus de choses, du coup. Après, effectivement, les gros artistes électroniques qui. Ouais, parce qu'on a un sentiment cartonnent. D'articles interchangeables aussi, ouais, parfois. Bien sûr. Il y a effectivement le. C'est pas un problème, mais il y a la question des artistes électroniques institutionnalisés. Enfin, j'ai rien contre leur musique, mais un mec comme Rhône, par exemple, est hyper présent dans la presse spécialisée, etc. Et ce qu'il fait n'est pas exactement représentatif. Mais là, on parlait d'Internet, parce que est-ce que la presse... Non, mais c'est intéressant, mais est-ce que la presse est pas là justement pour, elle, conserver cette diversité? Par exemple, quand un Tsugi sort, il va se démarquer radicalement d'un... Pour te répondre, effectivement, non, le rôle de la presse est clairement moins massif qu'avant. Et les gens qui écoutent de la musique électronique savent déjà par leur réseau, par les réseaux sociaux, par les mini-médias qui vont aller voir à droite à gauche, par leurs copains, etc. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le circuit, un média et un achat après. Ouais. C'est sûr que c'est là. Bien sûr. Et en fait, c'est vrai que quelqu'un qui est passionné de musique électronique, il ne va pas, en achetant Tsugi, découvrir des choses. C'est pas lui le fan underground de musique électronique, il connaît déjà tout ça. Donc nous, on s'adresse à un autre public, un public plus généraliste qui n'a pas le temps de se passionner pour un courant précis de musique électronique. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, puisqu'avant, il y a 20 ans, par contre, alors on achetait de la presse pour avoir l'information. Mmh. Et aujourd'hui, avec Internet, l'information, elle est sur Internet. C'est pour ça aussi qu'on se rend compte que la presse spécialisée musicale a disparu. Parce que quand tu te spécialises sur un créneau musical, ce public-là, qui est souvent très jeune, lui, il va choper l'info directement sur Internet. Donc, il n'a pas besoin d'acheter un magazine qui s'intéresse au hip-hop, qui s'intéresse au rock, ou à l'électronique. Ça pose une question, justement. C'est la question d'après. Effectivement, Internet aussi permet pas, finalement, des contenus vraiment approfondis. Alors, il y en a, mais de manière générale, pas réellement. Est-ce que, pour vous, le papier, c'est encore le seul espace où peut exister la vraie critique musicale aujourd'hui? Ça peut, mais ça touche beaucoup moins de gens. Ouais, oui, c'est ça. Dans Libération, avec Olivier Lam, ou avec ce que vous faites le week-end avec Tsugi, etc., il peut y avoir, effectivement, tout à coup, quelques dizaines de milliers de lecteurs qui vont lire quelque chose. Oui. Mais bon, c'est hyper limité. Oui, mais tu parlais tout à l'heure, Patrice, du fait que, finalement, le nombre de tirages importait peu. Pas au niveau économique, mais au niveau de... Ce qui était important aussi, c'était l'impact et la qualité. Oui, c'est vrai que ce qui compte, c'est qui lit ton magazine. Après, parce que 10 000, c'est déjà quelque chose. Enfin, je veux dire qu'ils vont lire une critique musicale. 10 000, c'est quelque chose, mais il faut se souvenir quand même que les chiffres de tirage de rock et folk ou de best dans les années 70-80, c'était 100 000 exemplaires. Ouais. Parce que c'était les seules sources d'information pour quelqu'un qui s'intéressait à la musique actuelle, entre guillemets. Donc voilà, ça, c'est un autre rôle. Les Inrecuptibles, entre la fin des années 80 et le début des années 90, c'était vraiment le seul moyen, avec Bernard Lenoir à partir de 92, je crois, le seul moyen pour les fans français de rock anglais, disons, de savoir ce qui sortait. Ouais. C'était là aujourd'hui. les gens en fait lisent le magazine en se disant ah ok, ce truc que j'ai entendu sur les réseaux sociaux, que j'ai vu sur SoundCloud, que j'ai vu relayé par un tel, oui ok, Tsugi ou Trax en parle. Ouais. Mais est-ce que c'était le cas de Trax d'une certaine manière au niveau de la musique électronique à ses débuts, quand internet n'était pas du tout aussi démocratique qu'aujourd'hui? Est-ce que c'était déjà le cas de Trax? Est-ce que pour s'informer sur la musique électronique il fallait acheter Trax? À l'époque il y avait Koda et Trax. Ouais. Donc effectivement Koda s'était lancé un peu en avant, hein, en 93 je crois. Donc, il y avait quand même cette information, ce besoin d'information qu'il y avait là. D'ailleurs, et d'autant plus en province, on se rendait compte que notre public était beaucoup, lui, en province, puisqu'à Paris, il y avait l'info. Après, très vite, Internet est arrivé, et puis Trax est devenu aussi généraliste en musique électronique. Deux petites dernières questions, on va devoir enchaîner, j'en ai beaucoup d'autres, mais on va pas avoir le temps. Une question pour vous deux, et peut-être aussi pour Patrice spécialement. Es-tu nostalgique de la presse d'avant Internet? Ouais, non, moi je suis vraiment pas du tout partisan du C'était mieux avant, c'est pas vrai. Non, aujourd'hui, c'est une époque formidable où chacun peut se faire son information et aller pêcher la musique qu'il veut à droite et à gauche. Donc non, j'ai pas de nostalgie, hormis celle que c'était ma jeunesse, j'étais plus jeune, j'étais frais et dynamique, mais à part ça non, je crois qu'il faut vraiment pas tomber là-dedans. Ok. Une dernière question qui concerne le format, et là je pense que Étienne t'auras pas mal de choses à dire à ce sujet. Est-ce que selon vous le périodique il est encore viable, ou alors il faudrait changer radicalement la stratégie et partir sur un format plus ponctuel, peut-être un trimestriel, mais beaucoup plus approfondi, avec des articles pour trancher beaucoup plus finalement avec ce que fait Internet aujourd'hui, partir dans un temps différent comme le fait Audimat par exemple? Nous, le truc avec Audimat, c'est que Guillaume qui est plus jeune que moi et qui pour le coup était clairement, enfin est encore clairement dans une approche des médias très internet. Il avait participé notamment à Fluo Kids, etc. L'idée de Audimat, c'était un truc qui n'est, parce que Audimat, on met aucun article en ligne. Il n'y a pas de site où on peut acheter la revue. Il y a juste des extraits d'articles. Extraits. Il y a des playlists YouTube pour illustrer pour avoir des morceaux quand on écoute, quand on lit les textes. Mais l'idée, c'est d'avoir effectivement un truc qui est publié tous les 6 mois. Donc les gens l'attendent, et en fait un peu comme un livre finalement. Et surtout, l'idée, c'est d'avoir dans un objet fermé plein de thèmes différents abordés, et que on puisse pas, enfin l'idée c'est presque que quand on lit l'article, certes on peut aller écouter sur YouTube les playlists qu'on met, mais c'est qu'on va pas cliquer sur un hyperlien qui va amener vers autre chose, etc. C'est qu'on essaye d'être anti sérendipité, c'est comme ça qu'on dit, je crois. et puis on n'est pas sur des articles de 5 pages non plus, c'est un temps qui est différent, des articles longs, ouais. Où souvent il y a un peu des histoires personnelles, ou en tout cas des prises de position qui sont strictement, enfin qui sont vraiment, qui excluent strictement l'information, l'actualité. Donc c'est aussi ça le... Après, je sais, là on vend 1000 exemplaires, c'est vraiment pas sûr qu'on en vende 5000 ou 10 000 un jour, c'est même quasi impossible, sauf si on, je sais pas, mais c'est... Sans forcément prendre le parti pris d'Audimat, par exemple, Patrice, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà imaginé, par contre, peut-être passer trimestriel, faire peut-être plus de pages sans passer sur quelque chose de forcément extrêmement approfondi, mais... Le truc, nous, c'est vrai qu'on est tributaire de cette réalité économique. Donc est-ce qu'il y a un modèle économique qui pourrait fonctionner avec un tsugi trimestriel? Je sais pas, et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous les jours aussi, de se dire, peut-être pas trimestriel, mais bimestriel, c'est-à-dire tous les 2 mois. C'est-à-dire que tant qu'on fait ce chiffre d'affaires publicitaire qui est relativement important, on est un peu esclave de ça, malheureusement. On n'a pas les moyens de s'affranchir de ce revenu publicitaire. Le jour où ce revenu publicitaire va baisser drastiquement, on se dira, ok, cherchons vraiment un nouveau modèle économique. Mais pour le moment, chaque fois qu'on se pose la question, et puis on l'a fait à un moment donné, on a lancé un titre de chanson française qui s'appelait Serge, qui était bimestriel, justement, c'était sur ça, et où on était sur un autre temps, justement décollé plutôt de l'actu et tout ça. Je suis vraiment désolé, merci pour ces éclaircissements, faut qu'on avance. On va clôturer cette seconde partie avec le quiz de Léo. Comment tu sais tout ça, toi? Julien Lepers, question pour un champion. Alors, donc, petit quiz avant de passer à la dernière partie de cette émission. Essayez de répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes. Attention, c'est des questions un peu pièges. Combien y a-t-il de titres de presse en France? 2560. Je sais pas, 4000. Bon, c'était Patrice le plus proche, c'est fluctuant mais autour des 3000. Ok. Bon. En quelle année... point. Ouais, un point pour Patrice. En quelle année a été déclarée l'indépendance de la presse? Ouais, c'est ça, ça me rappelle mes cours de journalisme. Oui. C'était il y a très longtemps. Donc 2022. C'est sous Napoléon III. 1945. C'est oui, Napoléon III, ouais. 29 juillet 1881. Ouais, d'accord. C'est un après, point juste après, juste après Napoléon III. Jules Ferry, tout ça. Vous connaissez Lester Bounds? Oui. Savez-vous en quelle année il est mort? 82. Bingo pour Étienne. Oh. Le 30 avril 1982, journaliste et critique américain, auteur et musicien, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et enfin, en quelle année a été créé Diapason, magazine référence des musiques classiques? Ouais, 56. 1964. 56. Encore un peu. Oh là là, c'était pas pile 56. Oh, c'était... Ils font toujours l'auto, Étienne. Oui, c'est ça. C'était à Angers en 1952. Ah bah voilà. Créé bah, par le disquaire Georges Cherrière et devenu national en 55. Donc quand même très proche. Mais c'est impressionnant parce qu'il existe encore, c'est ce que tu dis. Il existe encore et c'est quand même de la musique classique. C'est une référence, enfin les disques classiques ont besoin du diapason. Ouais, diapason. Ouais, vraiment. Et du coup, nous avons un gagnant, c'est donc Étienne Lenu. Bravo pour ce petit jeu. Bravo Étienne. Merci. Merci donc pour vos réponses. On va clôturer cette deuxième partie en musique toujours avec le vinyle du pauvre sélectionné par notre digger Julien et extrait de son home digging mensuel. Voici donc Deep Penetration de Second Thought, sorti en 97 sur le label Reconstruction Records et disponible sur Discogs pour 1,97€. Ouais. C'est tout de suite sur Make It Deep. C'était le vinyle du pauvre sur Make It Deep avec Second South et Deep Penetration, sorti en, je ne me rappelle plus l'année, 97, et qui coûte pas grand chose, un peu plus d'un euro. Et c'est le moment d'entamer cette troisième partie qui aura pour objet de trouver peut-être des pistes pour le futur de la presse musique électronique. Juste une petite question d'abord, Étienne, vous aviez tenté l'aventure télévisuelle avec Music Info Service, une émission plateau de critique musicale proposée sur Dailymotion qui durait une vingtaine de minutes. Pourquoi avoir choisi de porter la critique musicale devant la caméra ? Alors en fait c'est un projet en fait qui émane pas d'Audimat. En fait on avait, moi je faisais une émission de radio indépendante d'Audimat qui s'appelait l'agence sous disque sur Campus, qu'on a fait un an ou deux. Les gens de Dailymotion que je connaissais de par ailleurs m'avaient dit bah tu fais Audimat, tu fais l'agence sous disque, faisons une émission Audimat. Mais en fait l'émission n'était pas directement liée à Audimat, on recevait des gens qui n'étaient pas les auteurs enfin certains oui, mais globalement c'était quand même des gens de la presse au sens général du terme, de la presse spécialisée ou pas. On avait des gens des Inrock, bref. Et ça en fait on s'était pas, sur le coup en fait on faisait, comme je te le disais hors antenne, on faisait assez peu de vues. Et donc au bout d'un an Dailymotion ils nous ont dit bon bah ça c'est, voilà, on va pas continuer à vous payer, on peut continuer à vous filer le studio mais il y aura plus d'argent, etc. Donc on avait arrêté. Mais depuis, ça fait maintenant 3 ans qu'on a arrêté, et en fait les gens nous disent oui, pourquoi ça a arrêté, continuez, reprenez, etc. Donc on va peut-être le faire. Et effectivement ce truc de parler des sorties sur un ton relativement décontracté, c'était pas mal. Le problème c'est qu'on parlait de tous les genres musicaux confondus. Et quand je vois l'exemple, quand je vois par ailleurs ce que font, ce que fait Mehdi Maizi par exemple avec le rap, où là pour le coup il a une émission, je sais plus si c'est hebdomadaire ou mensuelle, où il parle des sorties rap, là ça marche à fond parce que le public rap est un public hyper fanatique, qui a envie de débattre, etc. Mais faire un truc plus généraliste pour des gens peut-être un peu plus vieux, qui n'ont pas forcément envie que des gens défoncent le dernier MGMT alors qu'ils le trouvent super, voilà, il y a un truc qui marche un peu moins bien. Après moi je rêverais de continuer ça, mais il faut aussi les moyens de le faire. Ouais. Est-ce que ça peut être une stratégie, Patrice Bardot, par exemple, pour un média comme Tsugi, d'intégrer aussi, voire peut-être se muter complètement, alors ça je sais pas, je pense pas que ce soit à l'ordre du jour, mais sur la vidéo ou l'audio, sur d'autres médias L'audio, on l'est déjà, puisqu'on fait Tsugi Radio, ouais. qui fonctionne assez bien et qu'on développe de plus en plus, puisque une émanation de Tsugi Radio, ça va être on va sonoriser les magasins Agnès B dans le monde. Donc voilà. Ah. C'est une déclinaison assez c'est marrante. Du voilà, c'est du propre. J'espère que j'aurai des prix sur les fringues. Quand même. Mais donc, après la vidéo, pourquoi pas aussi. On s'est exercé, on a essayé de faire des petits modules courts qui ne sont pas sortis jusqu'à présent. Mais il faut trouver la bonne formule. Voilà, c'est un peu ça. Si je peux ajouter une chose, nous en fait, moi j'étais très content de l'émission de radio qu'on faisait. Ensuite, quand c'est passé en vidéo, je trouvais ça un peu. Enfin voilà, le fait d'apparaître à l'image était un peu spécial. Et surtout, en fait, plein de gens me disaient ouais, c'est super, mais en revanche, je mets le casque et après, je regarde pas la vidéo. Donc en fait, c'est peut-être mieux de faire ça. C'était surtout un problème en termes de. Quand on écoute les extraits et qu'on est là. À l'antenne, on voyait juste la pochette, parfois un peu du clip, et puis on nous voyait en plateau comme ça, un peu rien foutre. C'était pas génial. Ouais, pas hyper stimulant. À mon avis, c'est quand même mieux de garder l'audio. La vidéo, pour autre chose, mais dans le cadre d'un truc un peu masquer la plume pour les jeunes, c'est mieux de garder l'audio. Ouais, on sait que tous les formats, genre cercle, boiler room, donc de DJ set qui sont transmis en direct en vidéo, ils font 100 000 vues, mais sur les 100 000 vues, ils ont regardé 15 secondes. Ouais. Bien sûr, il y a aussi ce rapport-là. Bon, on va passer rapidement là-dessus. Aujourd'hui, maintenant que le web a été absorbé par vos stratégies éditoriales, quels sont les nouveaux enjeux qui se dressent devant la presse spécialisée ? Les nouveaux enjeux, c'est continuer d'exister. Donc, en continuant en essayant de se renouveler, en se posant toujours ces questions pour qu'est-ce qu'on va faire demain ? Et voilà, muer sans muer, muter sans perdre son âme, ce qui est un vaste défi. Tu parlais du fait que c'était quelque chose d'un petit peu, un format encore un petit peu poussiéreux quand tu parlais du Tsugi qui est posé sur la table. Est-ce que tu penses aujourd'hui que le format papier périodique, d'autant plus dans la presse spécialisée, est-ce qu'il est désuet ? Oui. Si on parle de la presse musicale spécialisée, oui, je pense qu'il est désuet, mais on n'a pas trouvé et condamné peut-être à terme, hein, même, je vais dire, au niveau du... Je pense que Tsugi existera toujours en tant que média, mais est-ce qu'il y aura encore du papier ? J'en suis pas sûr. Voilà, j'en suis pas sûr du tout aujourd'hui. Je signerai pas. Moi, en revanche, je suis sûr que Audimat va continuer à exister très longtemps. Donc, ça peut être la porte aussi, on en parlait tout à l'heure, d'avoir un contenu peut-être moins courant, mais avec moins d'investissement aussi. En fait, Audimat, on l'a fait pour les gens qui lisent des bouquins sur la musique. En fait, au départ, Audimat, on lisait beaucoup de bouquins anglo-saxons sur la musique et on s'était dit, tiens, plutôt, moi j'avais traduit plusieurs livres, notamment aux éditions Alia, sur la musique, et il y en avait plein d'autres que j'aurais rêvé de traduire, mais c'était trop financièrement précaire. Et du coup, au départ, on s'était dit, on va juste traduire des chapitres et comme ça donner envie aux gens d'aller, peut-être à des éditeurs de publier les bouquins en entier, mais c'était cette idée d'amalgamer, de réunir différentes plumes sur des sujets. Et c'était pas un truc effectivement de suivre l'actualité, d'être dans un modèle de presse, mais vraiment d'édition de livres en fait. Ouais. Et d'ailleurs, on va sortir des livres. Ouais, changer le but en fait, tout simplement. Peut-être que c'est aussi là. Se dire qu'en gros la presse papier traditionnelle n'est plus quelque chose vers lequel les gens vont. Ils se renseignent eux-mêmes sur Internet, mais après ils ont besoin de quelque chose peut-être. Enfin, une partie de ces gens ont peut-être besoin de quelque chose d'un peu plus long, qui vont lire plus longuement, approfondir leur connaissance d'un genre, d'un auteur, d'une machine, j'en sais rien, via des bouquins. D'accord. Une dernière question peut-être un peu plus positive, selon vous, et au même titre que le retour du format vinyle se cristallisait sur un ras-le-bol du tout digital, la presse peut-elle connaître un destin similaire et donc un regain d'engouement à la fois pour le papier et pour des articles plus approfondis, plus critiques ? C'est inimaginable aujourd'hui pour vous, Patrice Bardot ? C'est une bonne question. Je veux pas paraître trop pessimiste. Non, mais simplement, j'ai une certaine lucidité par rapport à d'autres métiers. Après, je pense qu'il y aura toujours des gens qui voudront lire des longs formats et tout ça, mais... Est-ce que les gens qui s'étaient détournés vont pas vouloir y revenir aussi. J'aime pas les fétichistes des objets. Il y a une phrase... Je crois que c'est Laurent Garnier qui disait ça, que je trouve ça très vrai. La musique électronique, ça a été une musique du futur. Et pourquoi s'attacher au vinyle qui a un format du passé ? Donc je dirais le papier, c'est un peu pareil. Ce qui compte, c'est que Tsugi, la marque, existe, et que ce soit du papier ou autre chose, créons quelque chose, quoi. Créons quelque chose du moment qu'il y a un état d'esprit qui survit. Voilà, ça m'intéresse plus que le support, en fait. Ouais, mais j'étais entièrement d'accord avec cette phrase de Laurent Garnier, mais finalement, en observant la chose, on se rend compte quand même qu'il y a un besoin du retour au matériel, justement. Mais après, tant mieux. Mais il faut pas en faire un culte ni un dogme. Ouais, voilà. D'accord. Il faut pas en faire un culte. Pour le vinyle, après, je me prononcerai pas, mais je reviens sur ce que je disais sur Audimat, c'est le fait d'avoir un objet quand même, disons, qui est fermé. C'est-à-dire que où il n'y a pas de site internet, où on le lit, bon, on peut s'arrêter de le lire parce qu'on trouve ça chiant, mais en tout cas... Le seul moyen d'y accéder, c'est d'aller l'acheter, ouais. De l'avoir dans les mains. C'est un truc, on a fait en sorte que ce soit un truc assez facile à transporter, on peut le mettre dans la poche, c'est très souple à lire et tout ça. Et moi, je suis quand même attaché. Moi, j'ai découvert la musique via des magazines, les Un Rock, Magic, quelques hebdos anglais, parce que j'avais la chance d'y avoir accès. Et c'est quand même un truc qui donne une sorte. Enfin, c'est bien d'avoir aussi un centre, entre guillemets, quelque chose auquel on va se référer, dont on peut évidemment se détacher, mais qui va être. Là, en fait, le problème de la dispersion. De la presse et c'est pas que la presse musicale, c'est aussi toute la presse d'une façon générale, du média numérique, c'est qu'on va choper un article ou deux et en fait on va rarement regarder ce qu'il y a ce que propose l'ensemble du média. Moi, ce que je trouve intéressant avec Audimat et avec aussi d'autres revues françaises ou anglo-saxonnes, quel que soit le domaine, c'est que ça propose un monde fermé, pas au sens péjoratif, mais en tout cas quelque chose où il y a un début, une fin, et on sait que ça dit une chose et ça n'en dit pas d'autre. Voilà. D'accord, ok. Non, où il y a un point de vue. Je pense que ce qui est important, c'est ça, c'est qu'il y a un point de vue, comme il y a dans Audimat, et un parti pris fort. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est tout moyen, sans parti pris, je pense que ça, c'est un peu condamné à la disparition. Oui, après l'essentiel, c'est la voix, c'est effectivement. C'est avoir un discours relativement engagé sur ce qui se passe en musique ou dans la culture, dans le monde, dans la société. Mais avec la musique, effectivement, c'est pas juste être... faire du monitoring des sorties et des DJs. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup à vous deux d'avoir été aussi loquaces et je vais laisser Léo clôturer cette troisième partie de cette émission. Donc. Alors vous l'avez compris, votre appartement est en train de brûler sous vos yeux, ce qu'on ne vous souhaite pas évidemment. Et vous avez juste le temps de prendre trois disques avant de vous sauver. Lesquels choisirez-vous? Ah, oula, allez, tiens, va commencer. Alors moi, mes disques sont dans ma maison de campagne. Ce n'est pas une excuse. Je prendrais Gemini, artiste qui a sorti des disques chez Classic, etc. Mais je prendrais un de ses maxis sur Relief. Je pense que je prendrais Imagine a Nation, qui est incroyable. Je prendrais un disque d'un artiste dont il est question dans le numéro d'Audimat que je t'ai filé, Léo, Robert Quine, qui était guitariste pour Lou Reed, pour Lloyd Cole, et qui a fait un disque incroyable instrumental avec un batteur qui s'appelle Fred Maher, et le disque s'appelle Basic. Et puis sinon, là récemment, j'ai un disque que j'aime beaucoup d'un comédien français qui s'appelle Étienne Chico, qui a sorti deux albums, dont le premier donc, est éponyme, s'appelle Étienne Chico, et ça commence par un morceau incroyable de chanson française qui s'appelle Lettre à mon frère, qui parle de la ruralité, de la mort de la mère, etc. Voilà, donc Étienne Chico, Robert Quine et Gemini. C'est bien comme ça, j'ai pu réfléchir un peu. À toi, Patrice. Moi, je prendrais un Underground Resistance, Amazon, par exemple, et puis The Clash, London Calling, le double album, et Véronique Sanson, le maudit. Voilà. Fait la diversité. Alors, merci beaucoup, merci à vous pour avoir répondu à nos questions. Merci Léo, merci Simon. Merci de l'invitation. Et merci à Ben Alexandre avec une réalisation toujours au cordeau. Écoutez, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans deux semaines avec un nouveau sujet. Suivez Make It Deep. Ciao. Make it deep. Oh.